Un ami m'a offert sa Xbox 360 avec une pleine panière de jeux. Mais bon, je venais de finir Dark Souls, alors je cherchais un truc pour me détendre. Et là, j'ai remarqué la fameuse Orange Box. J'ai beaucoup entendu parler de Portal et de son célèbre gâteau. Allez, je tente le coup. Petit bonus, le jeu étant non violent, j'ai pu y jouer dans le salon avec mes deux Gremlins à côté. Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, Portal est une sorte de spin-off d'Half-Life où l'on incarne un cobaye, probablement le dernier, dans les locaux d'Aperture Science. Une intelligence artificielle nous guide alors à travers différentes salles piégées où nous devons nous en sortir avec le fameux Portal Gun. Une arme qui peut ouvrir des portails dimensionnels. Le but est simple, s'enfuir. Graphiquement, bon, c'est pas la chapelle Sixtine numérique, mais c'est correct, et la direction artistique est quant à elle complètement folle. Épurée, mais pleine de détails. Et surtout, ce qui fait le sel de cette très courte expérience, un antagoniste mémorable, Gladys, qui vous accompagne et vous parle tout au long de votre périple avec ses maladresses et autres provocations. Bref, 3 heures après, Portal était plié. 3 heures sans frustration, avec un bon challenge. 3 heures de plaisir pour une expérience qui me suivra longtemps et une récompense musicale à la hauteur.